On va parler avec Benoît Lavoie d'Espace Soccer. C'est une nouvelle chronique qui va commencer ce matin avec Benoît. Normalement, on parle avec Benoît seulement du soccer international et de l'impact. Mais là, à la fin, il me parlait tout le temps du soccer régional. J'ai dit, mon mot du fatiguant. On va faire une chronique spécialement là-dessus. Et à toutes les deux semaines, on va faire un tour de table avec Benoît Lavoie de ce qui se passe au niveau un peu dans la région. Salut Benoît! Salut Danny, salut Dan Radio Sport, tes auditeurs. Benoît, oui, c'est ça que je disais. Normalement, tu finissais tout le temps avec le régional, mais là, j'ai dit, regarde, on va faire juste un bloc de ce qui se passe au niveau de la région. Puis là, donc, je vais te donner tout ce qui se passe. Vraiment, tu vas me faire un portrait des classements et ainsi de suite. Donc, on va commencer ce matin aux deux semaines. Et l'autre semaine, on va y aller en alternance avec l'Impact. Et l'autre semaine, on va se parler de soccer régional. Donc, on va commencer avec au niveau du Québec métro. Il y a des équipes de la région qui sont là. Oui, mais comme tu dis, un petit tour de table, c'est bien le fun de me donner l'opportunité de faire le tour des classements régionaux. Mmh. Alors, si tu veux qu'on regarde en ordre de force, ouais. Si tu veux un peu, la Ligue avec métro est un petit peu celle qui devance les autres un peu. Pour terminer avec les ligues régionales Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans la Ligue Québec-Métro, c'est certain qu'il n'y a pas de seniors. Il n'y a pas d'équipe senior qui sont là. C'est sûr, c'est des projets d'été. Il faut vouloir aller à Québec. Il faut vouloir que les parents s'investissent à ce niveau-là. Donc, une motion de félicitations aux parents qui décident d'embarquer dans ces projets-là. Parce qu'il y a quatre équipes de la région qui jouent dans le Québec-Métro. Tout d'abord, dans le U16 masculin. Si on regarde le classement un petit peu, l'équipe du Chinook de Chicoutimi qui après 6 matchs de jouer, ont 6 victoires, 1 nul, sont en tête du classement de cette ligue-là. Faut rappeler qu'il y a 10 équipes. Il y a des équipes de Lévis, de Saint-Georges, de Phoenix, de Rivière, Haute-Saint-Charles, des équipes de Québec. Alors, le Royal de Beauport, qui est un club très reconnu un petit peu dans le coin de Québec, et un club de Trois-Rivières aussi. Donc, le Chinook de Chicoutimi, qui est en tête de liste, on va donner que leur dernier résultat, là, la semaine dernière, ils n'ont pas joué. Ils avaient remporté une victoire de 2-0 contre justement l'équipe de Beauport que je te parlais auparavant. Et puis, en fin de semaine, sur les terrains de Lucac, c'est encore le club du Boréal d'Alma, qui présentement est en quatrième position avec 4 parties jouées, 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite. Okay. Donc, ils ont remporté leur première victoire la semaine dernière, 3-0 contre 7 fois. Donc, c'était Alma. Ils vont jouer en fin de semaine. Ils vont jouer en fin de semaine à l'Arpidrome, dans le coin de Québec, contre le Kodiak de Charlebourg. Donc, le match sera à 16h samedi. Et la dernière équipe qui joue dans notre région, c'est au niveau féminin. C'est la seule équipe féminine à participer à la Ligue Québec Métro cette saison. C'est l'équipe encore du Boréal d'Alma. Faut rappeler que sur les 4 équipes, il y en a 3 d'Alma, 1 de Chicoutimi. Et il n'y en a pas du côté de Jonquière, qui est aussi un des 3 gros clubs de la région. Dans le U16 féminin, donc, t'as le Boréal d'Alma qui ont seulement 3 matchs de jouer. Donc, ils ont 2 victoires, 1 nul. Ils n'ont pas subi la défaite encore. Et en fin de semaine, eh bien, ils vont aller jouer un match encore à l'extérieur à Sainte-Foy. Donc, ça va être samedi à 16h. Et ils vont jouer après ça la semaine prochaine à Alma. Donc, nos 4 équipes de la région au niveau la Ligue Québec Métro. OK. Si tu veux qu'on parle un peu de la Ligue Nord-Est. Oui, vas-y. Encore une fois, dans la Ligue Nord-Est, je te dirais que c'est les gagnants de ces catégories-là. Parce que là, tu peux envoyer une équipe par club, si tu veux, là, Alma, Jonquière, Chicoutimi peuvent se représenter. Tout dépendant s'ils ont assez de joueurs pour ça. On peut commencer dans le U17 masculin. Il y a 3 équipes qui vont participer. Ils n'ont pas encore débuté leur saison. Il y a Boréal d'Alma qui représente encore la région qui est là. Il y a une équipe de Bécomo et une équipe du Fury de Rimouski qui sera là. Donc, les saisons vont commencer là, en début juillet. Dans le U15 masculin, toujours là dans la Ligue Nord-Est, on a 3 équipes aussi, Chicoutimi, Rimouski et Jonquière. Donc, on a 2 équipes de la région qui vont être là. Donc, dans le U15 masculin, dans le U15 féminin, on a 5 équipes. Alors, on a le Mistral de Jonquière, le Boréal d'Alma. Le Mistral semble avoir 2 équipes, une équipe de U15 et U13. On peut envoyer des équipes plus jeunes pour les préparer pour les années futures. Et une équipe de Rimouski et Rivière-du-Loup. Il y a eu un match de disputé. Jonquière, les plus vieux ont remporté, bien sûr, un match de 2-0 contre les plus jeunes. Tu vois, c'était quand même assez serré. Donc, on parle du U15 masculin. Dans le U15 féminin, Il y a toujours 5 équipes dans la Ligue Nord-Est. Tu as une équipe à 2 équipes à Jonquière. Encore une fois, tu as 2 équipes. Jonquière semble vouloir développer des équipes de jeunes. Une équipe U13 et U15. Une équipe à Rima. Tu as Rimouski et Rivière-du-Loup. Les plus vieilles ont remporté aussi leur premier match de départ 2-0 contre l'équipe de U13. Et dans la dernière catégorie, dans le U13 masculin, jusque là, on a 5 équipes. On a 5 équipes, c'est ça, Bécomo. Alma, c'est la seule équipe de la région qui représente Rimouski, Sept-Îles et une équipe de Rivière-du-Loup. La saison va commencer ça en fin de semaine le 17 juin. Donc ça, ça fait le tour un petit peu des ligues nord-est de la région. Maintenant, si on y allait avec du côté plus régional, là. Les équipes régionales, puisqu'on parle là, des catégories seniors jusqu'à U9, parce que le senior, tu sais, après, quand même plusieurs équipes. Si tu regardes au niveau masculin, dans le senior masculin division 1, on parle de 4 équipes. C'est un petit peu décevant qu'il n'y ait pas une 5e équipe. Normalement, le club de Boréal-Dalma devrait avoir une équipe dans la division 1, mais ils ont préféré envoyer 2 équipes dans la division 2. Il y avait une équipe de jeunes qui disait qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts à affronter l'équipe de Léo. C'est quand même un bon niveau de soccer. Il y a des équipes assez rapides. Alors, dans le D1 masculin, présentement, tu as 4 équipes cette année, et c'est 2 équipes du Chinook de Chicoutimi qui sont en tête. Il y a une équipe qui n'a pas perdu encore, 2 victoires, 2 nuls en 4 matchs. Et en 3e position, tu as l'équipe du FC du Fjord de la Baie. Et une des équipes qui a été la meilleure, une des meilleures équipes du senior dans, il y a de ça 3-4 ans, là, qui ont dominé le senior pendant presque 7-8 ans, le FC Robertval, qui est en 4e position avec une victoire, 3 défaites. Okay. Dans le senior masculin division 1. On va terminer le senior masculin en premier. Dans la division 2, bien, on a 9 équipes. Tu as des équipes d'Alma, de Labbé, de Saint-Amboise, de Chicoutimi, de Jonquière, d'Héberville, même une équipe d'Héberville, de Chicoutimi et de le FC Maïcan de Saint-Félicien. Donc, on a 9 équipes. Présentement, c'est les 2 équipes d'Alma qui dominent première position. Mais il y a une équipe, l'équipe de jeunes que je te parlais, qui a peut-être dû jouer division 1, qui domine avec 4 victoires, aucune défaite. En 2e position, mais moi, je participe à cette équipe-là. On a terminé en 1e position l'an dernier. C'est notre équipe qui, présentement, en 4 matchs, on a une victoire, 3 nuls. Pas subi la défaite encore. Les champions de l'année passée, les champions des séries de l'année passée, l'équipe d'Héberville est en 7e position. On n'a pas encore remporté la victoire. On a eu un match nul de 1-1, une équipe de jeunes très rapide. Et t'as l'équipe du Maïcal Saint-Félicien dans ton coin qui présentement ont de la difficulté en dernière position avec aucune victoire, une nulle et 2 défaites. Donc, dans la division 2, ça se développe de plus en plus. Et dans la dernière division du senior masculin, mais c'est la division 3, c'est souvent des équipes de jeunes qui, après le U16, se retrouvent dans ces divisions-là. On parle de 6 équipes. Labbé, Alma, Saint-Amboise, Mistassini, c'est une équipe à Robertval et à Bagotville. Présentement, c'est l'équipe de Labbé qui domine avec 4 victoires en 4 matchs. OK. Si tu veux qu'on fasse un petit tour de table au niveau féminin du senior maintenant, tu vois qu'il y a quand même beaucoup d'équipes. Ah oui, ben, OK. Donc, au niveau féminin, on n'a pas appelé cette division-là en division 1. On l'appelle la division 2, mais il y a 2 équipes, Alma Chicoutimi. Ces équipes-là vont aller jouer des matchs contre l'équipe de division 2 féminin. Je crois que les divisions 2, ils disaient que les équipes manquaient peut-être de niveau un peu pour les envoyer en division 1. Là, j'ai pas compris trop la formule là-dessus. Présentement, c'est l'équipe d'Alma qui domine avec 4 victoires, 1 nulle. Donc, on parle bien du senior féminin. Et dans la division 2, en senior féminin, là, on parle de 9 équipes. Mmh. Des équipes à Alma, à Saint-Prime, à Saint-Félicien, à Saint-Gédéon, à Jonquière, à Saint-Androuis, à Saint-Amboise, à Saint-Bruno et à Chicoutimi. On couvre vraiment la région là dans cette division-là, dans cette catégorie-là. C'est l'équipe d'Alma présentement qui mène le Boréal en 5 matchs avec 3 victoires, 2 défaites. Donc, ça semble assez serré dans cette catégorie. Tu as l'équipe de Saint-Prime qui s'en sort bien aussi. Et tu as l'équipe de Saint-Félicien qui est en 3e position. Donc, ça va être une belle saison à suivre là, dans cette catégorie-là. OK. Donc, c'est à mon tour. Ouais, c'est ça. Dans la division 3 féminin, pour terminer le côté féminin en senior, tu as 4 équipes. Ça, c'est des équipes de jeunes aussi qui se sont retrouvées de U16 à senior. Tu as 4 équipes. Alma, Labbé, Chipcha, Maïcan de Saint-Félicien. Et c'est Alma qui domine présentement avec 4 victoires, 1 défaite. Ça, ça fait le tour, Danny. Ouais. L'équipe senior masculine et féminine. Donc, on va faire le tour. Donc, c'est ce qui m'a fait pas mal la première chronique, parce qu'on a c'est là qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de soccer dans la région. On va faire le tour dans 2 semaines pour voir qu'est-ce qui se passe dans les autres catégories. Oui, parce qu'après ça, Danny, on tombe dans le U16 masculin, ouais, féminin, le U14 masculin féminin, le U12. On pourrait se rendre au U12, ça serait quand même intéressant. Puis de temps en temps, Danny, on peut peut-être parler de certains joueurs là, si ouais, dans les marques, pour donner certains les marqueurs qui dominent là, les classements des marqueurs. Ouais, effectivement. Pour rappeler, Danny, que chaque club, le club de Jonquière, Chicoutimi-Alma, organise des tournois dans la saison. Donc, c'est un fait mentionné. Il y a toujours, on a annoncé dernièrement qu'il allait avoir l'Académie de l'Impact qui allait venir donner des écoles de soccer dans la région. Bravo! On n'a pas eu l'annonce encore. Bon oui, bravo, c'est ça, ça c'est certain. Par la suite, ben, s'il y a d'autres choses, il y a la Coupe des promotions. Ça, c'est une équipe, l'équipe du Chinook de U16 que je te parlais en début, qui va aller jouer cette coupe-là pour les faire accéder à dans la Ligue 3A l'an prochain. Alors ça va se faire au mois d'août, on aura le temps d'en parler. Et s'il y a d'autres choses au niveau régional, des faits à marquer, j'essaierai de faire une petite recherche là, ouais, au niveau des clubs pour pouvoir donner de l'information aux gens. Donc une clinique 100% soccer régional. Donc merci Danny de permettre à Benoît Lavoie d'Espace Soccer de parler de ça. Merci beaucoup. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer au Saint-Exupéry. On s'en parle la semaine prochaine, on va parler de la Coupe des Confédérations, de l'Impact également. Et du mercato, il y a toujours des rumeurs. On est en pleine période actuellement, pleine négociation. Donc, on va s'en reparler la semaine prochaine. Yes, merci beaucoup. Chronique de soccer régional avec Benoît.